La fête du mercredi, smoking robes ajustées, bas de l'oligarchie, démocratie privée, de bâbord à tribord, les seigneurs sont tous là. Je vous parle pas du décor, faut que ça brille, ça va de soi. Journaliste, homme d'affaires, grand patron, député, on va se marrer sévère au bal des chevaliers. Ils construisent des ponts de liberté entre eux, sous lesquels des cartons logent les fils de peu. Petit peuple animal, quand être gouverné, c'est les chaises musicales qui attribuent les trophées. Au week-end, bon repas, tout le monde se fait du pied. Lèche-moi un peu plus bas, tu deviendras préfet. Soi-disant ennemi, façade pour la télé. Le scénario s'écrit de l'entrée au café. Grand gourou du JT, cette fois sans caméra. Aucune femme au foyer, ça y est, ils sont tous là. C'est le dîner du siècle, quel que soit le menu. C'est la rue qui trinquera. C'est le dîner du siècle, dites-nous à quelle sauce, cette fois on nous mangera. Grand rendez-vous secret, longtemps inavoué. Speed dating distingué, squelette bones pour français. Petit club d'influence où germent les décisions. L'élite devient tendance, puissance et franc-maçon. Stratégie, réflexion pour de bons privilèges. Au programme du crayon, courbette en florilège. Prends soin de ma carrière, je te passerai le plat. Ça tortille du derrière pour une place de choix. Même des syndicalistes sont là pour le baise-main. Faut bien être réaliste, tout le monde mange de ce pain. Pas de mal à l'éthique, car cela n'en aime pas. C'est ça la politique, quand on l'a fait pour soi. Les fins de concession ont beau crier dehors, dénoncer ce poison que sont tous ces cadors. Théorie du complot n'est pas imaginaire. On en fait un peu trop, mais rien nous fera taire. C'est le dîner du siècle, quel que soit le menu. C'est la rue qui trinquera. C'est le dîner du siècle, dites-nous à quelle sauce. Cette fois, on nous mangera. C'est le dîner du siècle, quel que soit le menu, c'est la rue qui trinquera. C'est le dîner du siècle, dites-nous à quelle sauce, cette fois on nous mangera.